آمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين. Bon, le hadith comme on a dit, il a été qualifié de faible par le Bayhaqi, par l'imam Bukhari. Et on m'a fait la remarque que l'Albani l'a qualifié de faible. Non, je ne crois pas qu'il l'a qualifié de faible. Et le hadith, bon, l'imam San'ani, Shawkani, l'imam Mohamed Shakir l'ont qualifié d'authentique. Et je crois que l'Albani l'a qualifié d'authentique aussi. Maintenant, la question qui se pose, comme on a dit, est-ce que le toucher d'une femme annule les ablutions? Et on a dit qu'on peut distinguer trois avis. Et l'imam Shafi'i l'a dit que le fait de toucher une femme annule les ablutions, carrément. Et c'est basé sur le verset, si vous êtes malade ou en voyage, ou si vous revenez de la selle, ou si vous avez touché l'amastum, vous avez touché aux femmes, et que vous nous trouvez, que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Sourate 5, le verset 6. Bon. Si vous avez touché aux femmes. Bon. Aula mastumun nisa. Nous, on récite comme ça. Aula mastumun nisa. Les trois grands récitateurs, parmi les 10, ont prononcé. Les trois, je ne me rappelle pas des trois, ils ont prononcé le terme lamastum sans prolongation. Ils ont dit au lamastum. Dans trois qira'at, il s'est marqué au lamastum et non pas au lamastum, sans la prolongation du a. Et donc ça change le sens du mot. Donc lamastum, ça veut dire juste toucher. La mastum, ça veut dire le rapport sexuel. Donc, il s'est basé sur ces récitations-là. Il s'est basé sur cette récitation où c'est dit au la mastum. Donc, vous avez touché. Il a dit juste le fait de toucher annule les ablutions. Puisque c'est dit ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Donc il a dit le fait de toucher une femme annule les ablutions. Il dalile ce verset là. Et cet avis est adopté par certains compagnons tels que Ibn Omar ou Ibn Mas'ud, qui ont dit que bon, le verset fait allusion au toucher. Rien que de toucher une femme annule les ablutions. Et cet avis est adopté, comme j'ai dit, par Ibn Omar. Mais est-ce que le toucher de toute femme ou seulement une catégorie de femmes annule les ablutions? Ça veut dire, est-ce que le fait de toucher la main de sa sœur ou de sa maman annule les ablutions? Ibn al-Mundhir, ça c'est toujours en Suisse, selon cet avis-là. On n'a pas montré l'avis le plus solide, le plus vraisemblable. Ibn al-Mundhir a dit qu'il y a ijma', que le toucher de la femme, qu'il est interdit d'épouser, muharramat al-nikah, interdit d'épouser, n'annule pas les ablutions. D'accord? Les femmes qu'il est interdit d'épouser n'annulent pas les ablutions. Mais s'il touche sa propre femme et les autres femmes étrangères, ses ablutions s'annulent. Et ça crée vraiment des problèmes. Sa femme lui donne quelque chose, il doit refaire les ablutions. C'est un peu pénible. Le deuxième avis, le toucher d'une femme n'annule absolument pas les ablutions, que ce soit avec jouissance ou non, avec cet esprit ou non. Et cet avis, il est carrément à l'opposé du premier avis. Et c'est le madhhab de Abu Hanifa, de Sufyan Thawri. C'est une version de l'imam Ahmed. Et l'imam Tirmidhi l'a attribué à bon nombre de compagnons et de tabi'in, de suiveurs. Les arguments, c'est le hadith de Aïcha, le hadith al-bab, qu'il considère comme authentique. Donc ceux qui considèrent le hadith de Aïcha comme authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a embrassé l'une de ses femmes et il est allé prier sans refaire d'ablution, clair, il n'a pas seulement choum, mais embrassé carrément, et ça n'a pas annulé ses ablutions. Donc ça, c'est un argument solide. Si le hadith, il est vraiment authentique, c'est un argument solide. Et le deuxième argument, C'est ce que rapportent Cheikhan al-Bukhari et Muslim. Que Aïcha a dit, des fois, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, priait alors que je suis allongé en face de lui, à la manière de l'janaza. C'est comme s'il prie sur, c'est comme s'il prie sur un mort. Elle est en face de lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie. Et lorsqu'il veut se prosterner, il me touche de sa main. Il touche mon pied de sa main et je plie mes jambes. Et quand il se lève, je remets mes pieds, j'allonge mes jambes. Et ce hadith-là, c'est le hadith numéro 382, le hadith 383 rapporté par le Bukhari. Et il est rapporté également par par Muslim. Il dit quand il se lève, je les allonge. Et il ajouta, il dit, à l'époque, il n'y a pas de lampe dans les maisons. Ça veut dire que le prophète sallam priait dans l'obscurité, et donc il touche son pied comme ça, et il plie ses pieds. Et donc ça, c'est une preuve claire que le simple fait de toucher une femme n'annule pas les ablutions. Parce que le prophète sallam touche, et il continue sa prière. Et certains exégètes, ceux qui ont fait l'explication de ce hadith, ils se sont efforcés de dire que ceci est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, il faut un dalil. Il faut une preuve que ça, c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'est pas général aux autres. Il faut une preuve pour... Et ils ont dit qu'il a touché alors qu'il n'a pas touché à même la peau. Ça veut dire qu'il a touché le tissu. Et même pour ça, il faut ramener le dalil, la preuve. Il y a aussi comme argument, ils ont comme argument que le simple fait de toucher une femme n'annule pas les ablutions. C'est ce que rapporte l'imam Muslim, que Aïcha radiallahu anha, pendant la nuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réservé pour elle, s'est rendu compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas dans sa chambre. Et on sait que Aïcha radiallahu anha est très jalouse. Et il rapporte et il dit, et il a cru qu'elle est Il est allé chez l'une de ses autres femmes. Et il l'a suivi. Il l'a cherché comme ça. Et pendant qu'il le cherchait, sa main tomba comme ça, toucha ses deux pieds. Le prophète était prosterné et il était en train de faire qiyam al-layl. Donc elle était dans une voie et le prophète dans une autre voie. Il a touché ses deux pieds par sa main. Et il l'a entendu dire, Allahumma inni a'ouzu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alayka ma athnayta anta 'ala nafsik. Il a touché sa main, a touché ses deux pieds et il était prosterné et il disait sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, je demande refuge auprès de ta satisfaction contre ta colère, auprès de ta satisfaction contre ta colère, auprès de ton pardon contre ton châtiment. Et auprès de toi-même, contre toi-même, je ne pourrai te louer autant que tu t'es loué toi-même. Donc, ça c'est une preuve. Sa main, il a touché les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'a pas annulé les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti de la prière. Ça c'est un autre argument. L'imam al-Nasa'i, il rapporte aussi le même hadith à peu près le même hadith, le même texte qu'a rapporté l'imam Bukhari et Muslim, comme quoi le prophète sallam priait et Aïcha est allongée, mais dans ce hadith là il l'a touché avec son pied, il l'a touché comme ça avec son pied pour qu'elle plie ses jambes et pour qu'elle puisse se prosterner. Ça aussi c'est une preuve. Et il y a aussi le cinquième argument, c'est qu'à la base le toucher d'une femme n'annule pas les ablutions et on ne peut pas dire qu'il les annule que s'il y a une preuve claire et authentique. Al-aslu bara'atu dhimma. À la base, rien n'interdit. À la base, c'est autorisé. Celui qui dit que ça annule, il faut qu'il nous ramène la preuve. D'accord? Et ça, c'est une méthode de discussion. Quand quelqu'un te dit, donne-moi la preuve que ça annule. Que le fait de toucher, donne-moi la preuve, que le fait de toucher une femme n'annule pas les ablutions. la discussion objective, la discussion entre Talib et l'ilm, c'est à lui de ramener le dalil. D'accord? C'est à lui de ramener le dalil. D'accord? Parce qu'à la base, il est autorisé. Tant qu'il ne ramène pas de preuves qui dit que ça annule les ablutions. Donc ça, c'est le deuxième avis, c'est l'avis le plus vraisemblable. Le troisième avis, c'est celui de l'imam Malik et celui des sept juristes, sept fuqaha de Médine. Ils sont connus sous ce nom, les sept juristes de Médine. Et une version de l'imam Ahmed. Cela détaille. Ils disent toucher une femme avec jouissance, avec cette intention-là, charnelle, annule les ablutions. Car ce sentiment, bon, ils disent, cause une certaine chaleur du corps qu'on ne doit atténuer qu'avec les ablutions. Et le toucher sans l'intention n'annule pas les ablutions. Mais le plus vraisemblable, et c'est ce qu'ont adopté beaucoup de savants contemporains, c'est que toucher une femme, que ce soit avec cette intention, avec jouissance ou sans jouissance charnelle, n'annule pas les ablutions. Tant qu'il n'y a pas de maladie qui sort du membre, tant qu'il n'y a pas des choses qu'on connaît, les choses qui annulent vraiment les ablutions. Ça n'annule pas les ablutions et les hadiths, les dalils, on les a. D'accord? Donc, et c'est ça l'avis d'Ibn Baz dans ses fatawa, l'Uthaymin dans l'explication, dans ses fatawa aussi, là, dans ses livres de fatawa et dans son explication de Boulour al-Maram. Ils ont dit, tant que rien ne sort du membre viril, les ablutions ne s'annulent pas. Et pour répondre à l'argumentation de ceux du premier avis, on dit que dans le verset, si vous avez touché aux femmes, Ibn Abbas, le grand exégèse du Coran, il dit « la mastum » signifie le rapport sexuel. Il dit « la mastum » signifie le rapport sexuel. Et si eux ils disent la mastum nisa ou mas nisa, bon, qu'est-ce qu'ils vont répondre si on leur amène le verset de sourate al-Baqara où Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà, le verset dans sourate al-Baqara qui concerne le divorce, qui concerne ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida. ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره. Vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées. Comment ils vont expliquer le terme ما لم تمسوهن? Si l'on expliquait toucher par le fait de toucher l'épouse comme ça, ça c'est un problème sur ce verset là. Ça va créer un problème parce que dans ce verset il y a ijma. Que vous n'avez pas touché, ça veut dire que vous n'avez pas eu de rapport sexuel avec elle. Donc, le tamas, mas ici, c'est le mas dans l'autre verset. Vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées et à qui vous n'avez pas fixé leur mahar, farida. C'est comme la dot. Donnez-leur toutefois, et entre parenthèses, l'homme selon sa capacité, l'homme aisé selon sa capacité et l'homme pauvre selon sa capacité. Ça, c'est ce qui concerne le talaq, le divorce. Si quelqu'un divorce une femme alors qu'il ne l'a pas encore touché, il a divorcé. Dans ce cas-là, il y a mata', il lui donne, c'est comme il lui donne des cadeaux, tout simplement. D'accord? Mais s'il a déjà donné le mahr, il a déjà donné la dot, mais il ne l'a pas touché et il l'a divorcé, le mahr il est partagé en deux. Hein? Ma lam tamassuhunna wa idha talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum. Si vous les avez répudiés alors que vous ne les avez pas touchés et qu'auparavant vous avez donné la dot, le mahr, alors vous devez donner la moitié, vous devez partager. Donc mess ici, mess ça veut dire rapport sexuelle. D'accord? Bon. On va arrêter ici. Et on continue, inshallah. La semaine prochaine, je ne vais pas faire de cours.